Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 19. Histoire de la robotique. Art et jeu. RoboQ est un projet international de promotion de l'intelligence artificielle, de la robotique et des domaines associés. Il s'agit d'une tentative d'encourager la recherche en IA et en robotique, en fournissant un problème standard dans lequel une large gamme de technologies pourront être intégrées et testées. RoboQ est un tournoi annuel de football pour robots. Le but ultime du projet est d'obtenir, en 2050, une équipe de robots humanoïdes totalement autonomes et pouvant gagner contre l'équipe humaine qui sera championne du monde de football. La tâche est aussi complexe que motivante. Plusieurs technologies doivent être associées pour réaliser des robots rapides, autonomes, capables de collaborer en équipe et de réagir en temps réel dans un environnement dynamique. RoboQ fournit également une plateforme logicielle pour la recherche. On a déjà mentionné la gamme Mindstorm, de Lego, à la fois jouet et outil d'expérimentation, résultant d'une étroite collaboration entre la firme de jouets et la recherche en IA. Le robot A, présenté en septembre 2001 par la firme Fujitsu, également développé pour la recherche, est cependant disponible à la vente aux particuliers, qui pourront eux aussi jouer à lui programmer des comportements. Au Japon, la frontière entre jeu et recherche semble disparaître, et par là même, il apparaît que l'on stimule l'intérêt du public déjà grand pour les robots, ouvrant la porte à une formation et une recherche accrue en ce domaine. Au Japon, on ne compte plus les robots jouets, dont les chiens Zaibo sont parmi les représentants les plus célèbres. Ils y deviennent partenaires de jeu, partenaires sociaux et même robots de compagnie. Frédéric Kaplan, chercheur au CSL, Computer Science Laboratory, de Sony à Paris, déclaré à www.vieartificielle.com. Fin de cette 19e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.